entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Nous revoici ensemble pour ce temps de midi après un repos estival. J'espère que vous avez passé un bon été, pluvieux et chaud à souhait. Mais bon, vive la fête à la limace. Je pense que vos jardins ont été heureux. Bon, un peu d'humour. Nous nous retrouvons en direct pour parler du syndrome d'épuisement appelé plus communément burn-out. Qui sommes-nous ? Alors, une association, Ralentir pour vivre, une équipe dont le docteur Coefi qui apporte son soutien médical, et pour ma part, j'apporte mon expérience parce que moi aussi, j'ai été victime du syndrome d'épuisement il y a 20 ans. Alors voilà, une petite nouveauté, après je vous dirai notre but, mais une petite nouveauté, nous avons lancé un direct via Facebook. Je ne sais pas si vous allez calquer ma tête ou pas, mais on va se dire que oui. Coucou, voilà. Donc, notre but dans l'association, c'est informer et sensibiliser un pas après l'autre, c'est-à-dire rendre visible l'invisible, en parler. Comment ? Avec des témoignages qui reprennent le deuxième dimanche de chaque mois sur Radio Gémozo à 17h. Et justement, ce dimanche, il y aura le témoignage de Laure qui nous apporte son témoignage poignant parce que ça fait 2 ans qu'elle essaye de se sortir du burn-out. Après, avec des conférences et avec des scénettes dont le burn-out des enseignants qui sera joué pour la première fois le dimanche 29 septembre à 15h chez Francis Cunin aux ateliers de la cheminée à Basse-le-Rue. La réservation se fait au 06 87 07 51 87. Pourquoi en parler ? Parce qu'en parler permet de rendre donc le visible invisible. Non, l'invisible visible. Oh, ça commence bien, mais bon. Veuillez m'excuser, c'est le retour des vacances. Je suis avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un volet de l'épuisement bien particulier. C'est le volet de l'épuisement des parents, ce qu'on appelle plus communément le burn-out parental. Nous avons avec nous Lia qui, hors le fait qu'elle est responsable de Radio Gémozo, des programmes, elle est aussi maman de 4 enfants. Donc nous allons pouvoir discuter de ce sujet et approfondir pour comprendre le pourquoi de ce burn-out parental. Vous pouvez intervenir en direct au 03 29 62 40 40. N'hésitez pas, que ce soit anonyme, que ce soit parce que vous l'avez vu dans votre entourage ou parce que vous avez constaté ça chez vos petits-enfants, ça peut être aussi les grands-parents, parce qu'il y a le décalage des générations aussi. Et sur la page Facebook de Radio Gémozo et de Ralentir pour vivre, ainsi que sur le site ralentirpourvivre.org à la rubrique Contact. Tout d'abord, le syndrome d'épuisement, c'est la pression sur le long terme. Donc ça, que ce soit parental ou pas, c'est la pression sur le long terme qui donne cette espèce de dérèglement hormonal, on va dire, qui amène à un épuisement chronique. Dans le cas du burn-out parental ou de l'épuisement parental, c'est un surinvestissement dans l'éducation de l'enfant. Nous allons parler chiffres, parce que les chiffres, c'est quand même quelque chose qui parle mieux que des mots. Selon une étude menée par Isabelle Roskman, docteur en psychologie et professeur à l'UCL, l'Université Collège de Londres, 73% des parents, dont 79% de femmes, se disent fatigués. 61% des parents, dont 66% les mères, se disent stressés. Baromètre annuel des parents, 6 sur 10 rencontrent des difficultés à concilier travail et vie de famille. La simple pensée de devoir s'occuper de son enfant est déjà épuisante en tant que telle. En 2022, 34% des mères étaient en situation de burn-out parental. Il y a 2 personnes, Isabelle Roskman et Moira Mikolajczak, enfin c'est difficile à prononcer, qui sont docteurs en sciences et en psychologie du développement à Bruxelles et de la santé à Louvain, ont développé ce sujet pour expliquer, et en même temps, elles ont un site, le burn-out parental, nous en parlerons plus tard. Nous allons d'abord découvrir ce phénomène en vous le présentant en termes de définition. On va démarrer par le commencement. Il y a des études qui parlent de 8% et des études qui parlent de 34% de burn-out parental. Moi, je ne sais pas, apparemment, C'est un sujet qui est tellement tabou, parce que c'est quand même relié à l'éducation des enfants, que ce sujet amène à des réflexions dans, je dirais, dans les sphères qui entourent les parents et l'éducation, seulement qui n'attirent pas des études vraiment approfondies. C'est comme si ce sujet, on voulait le lisser et le mettre de côté. Donc là, on va déjà écouter une définition qui est la pression, le burn-out parental. En anglais, burn-out signifie se consumer, comme une bougie qui brûle peu à peu jusqu'à s'éteindre. Le burn-out parental s'installe donc progressivement et diffère de la seule fatigue inhérente à la vie des pères et des mères. On parle également d'épuisement parental, un épuisement physique et mental que le repos ne parvient pas à soulager. À l'idée même de passer une journée entière avec son enfant, les parents n'ont plus d'énergie, plus d'envie. Ils s'occupent de lui, mais investissent moins la relation comme un avion en pilote automatique. Le plaisir disparaît progressivement. Par peur du jugement, la mère ou le père s'isole, au moment même où le besoin d'être accompagné devient nécessaire. Une étude de l'Université catholique de Louvain en Belgique montre que les pays occidentaux où être parent est une activité plutôt solitaire sont plus touchés que ceux d'Afrique où les enfants sont élevés de manière plus collective. D'après les chercheurs, 8% des Belges sont actuellement touchés par ce syndrome. L'âge du parent, le nombre d'enfants ne semble pas avoir d'influence, mais le burn-out parental affecte plus souvent les mères que les pères. Voilà déjà une première définition. Effectivement, le burn-out parental, de fait, c'est un surinvestissement des parents. Alors, moi qui ai été maman dans les années 80, et toi, Lia, qui a été maman dans les années 2005 ? 2003, ouais, 2000, on va dire. 2000. Qu'est-ce qu'on pense de ce sujet ? Alors, je te laisse déjà parler, Lia. Alors du coup, moi je suis maman de 4 enfants, alors la chose qui peut différer, c'est que j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, hein, pas encore adulte, pas encore inséré socialement, on va dire, donc j'ai mon premier enfant à 16 ans, à 18 ans, à 21 ans et à 24 ans, voilà, j'ai mes 4 enfants à 24 ans, donc voilà, on est très jeune à ce moment-là et il faut faire face. Voilà, et comment l'as-tu vécu au point de vue, faire face ? Je crois qu'en fait, quand tu es dans la situation, tu ne peux pas forcément prendre le recul nécessaire pour analyser ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Tu sais que tu es fatigué, que tu dois enchaîner les tâches les unes après les autres, mais est-ce que tu as le temps de te poser et de prendre du recul à ce moment-là ? En tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. On n'en parlait pas forcément du tout à l'époque non plus. On n'était pas dans la prévention, attention, la charge mentale, etc. Donc, j'ai vécu les choses comme elle se présentait, en fait. Oui, je peux me joindre à ton témoignage. J'ai été maman à 21 ans, quasiment, 20 ans et quelques mois, 21 ans, et la deuxième fois à 24 ans. J'ai fait face, effectivement, je comprenais pas grand-chose. En fait, j'étais dans une génération qui, on avait des enfants, hein, dans ces années-là, et puis, c'était comme ça, et il fallait faire avec. Par contre, il y avait moins de... de demande de la société par rapport à l'éducation des enfants. Pour ma part, la première chose que j'ai trouvée importante, c'était de laisser à mes enfants le droit de réfléchir par eux-mêmes et le droit d'être relativement autonome. Parce que moi-même, j'avais une éducation où j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit et j'avais pas le droit d'avoir de l'autonomie. Donc c'était les deux points. Au-delà de ça, je me souviens qu'effectivement, mes enfants avaient une activité en dehors de l'école qui était, mon fils faisait l'escrime et ma fille faisait la danse de salon. Donc, on reporte ça 40 ans en arrière, hein, puisqu'ils ont 40 et quelques. Mais c'était pas quelque chose qui nous occupait, on n'était pas sans arrêt en train de courir. Et à l'époque, je travaillais 6 jours sur 7, donc c'était le dimanche qu'on passait en famille et que je consacrais uniquement à mes enfants. Mmh. Voilà. Alors moi, je ne travaillais pas à l'époque, j'ai essayé de faire des petits boulots par-ci par-là, mais j'avais beaucoup de mal à cumuler en fait mon rôle de parent et des emplois, donc à chaque fois j'arrêtais parce que j'en pouvais plus. Et ce que j'entendais souvent, c'était ça va, t'as de la chance, t'es tranquillou sur ton canapé toute la journée, par exemple quand tes enfants sont à l'école. Mais c'est pas du tout ça, parce que déjà j'avais toujours un petit qui était encore avec moi, un ou deux petits pendant que les autres étaient à l'école. En plus après j'étais assistante maternelle, donc j'ai cumulé, je gardais les enfants des autres en plus de m'occuper des miens. Et je trouvais ça très injuste, mais finalement, on ne me donnait aucune légitimité à... Bah voilà, argumenter dans l'autre sens en disant bah non, je ne suis pas tranquillou pépère à la maison parce que il y a le linge, le ménage, les courses, tout ça, ça occupe beaucoup. Alors maintenant aujourd'hui, oui, je travaille, mes enfants sont plus grands, mon plus jeune a 14 ans et c'est une autre charge mentale bien entendu où il faut un petit peu gérer, être dans la gestion de toutes ces tâches, mais ça a un côté très huis clos déjà en plus d'être à la maison, on est tout seul face à ces tâches, socialement bah c'est très pauvre. Oui. Voilà, ça amène un climat quand même particulier. Oui. Par contre, là, lorsque tu développes, ce qui est intéressant, c'est que le souci, ou en tout cas ce qui était montré et mis en avant, est totalement différent. Parce qu'à l'heure actuelle, moi j'ai eu une interview, j'ai fait une interview avec une assistante maternelle, les parents ont cette espèce de besoin d'être parfait, mais parfait vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire vraiment faire une éducation sans aucune tâche ni aucune erreur. Est-ce qu'il y avait cette pression ? En tout cas, moi, de mon époque, il n'y avait pas. On était dans... on fait ce qu'on peut, voilà. Alors, disons que j'ai subi une pression parce que, déjà, j'étais jeune et qu'en plus, j'ai eu mes enfants jeunes. Donc, j'avais une pression dans le sens où on me disait, de toute façon, a priori, je ne pourrais pas bien m'occuper de mes enfants. D'accord. Voilà. Donc, j'ai élevé mes enfants à un moment donné seul, en plus. Donc j'étais maman célibataire de 4 enfants, donc là j'ai vécu la pression où j'avais l'impression qu'on était très focus sur comment je m'occupais de mes enfants. D'ailleurs j'ai eu une expérience assez, bon pas très sympathique, voilà, pendant que j'étais assistante maternelle, où quelqu'un est allé à l'école de mes enfants pour savoir si je m'en occupais bien par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que vu que je m'occupais seule de mes enfants, déjà... Ben, dans la tête des gens, je pouvais pas m'en occuper correctement. Donc moi, de moi-même, j'ai voulu faire le mieux possible. Après, j'ai toujours été un petit peu quand même dans l'indulgence de moi-même. Mon éducation a évolué à partir de mon 4e enfant, où là, je me suis plus mise un petit peu dans ton optique des choses, beaucoup d'autonomie, leur laisser leur propre argumentation. En fait, laisser à mes enfants le droit d'être l'individu qu'ils sont, oui, et non pas mes enfants. Donc, si je reprends ce que tu viens de dire, on n'était pas encore dans les, je dirais, dans les prémices, mais on abordait déjà le sujet, est-ce qu'elle éduque bien ses enfants ? Donc, on posait la question qui restait relativement en suspens, mais on n'avait pas ce côté, pour bien éduquer ses enfants, il faut faire ci, ça, ça, ça, ça, ça. Ce qu'on appelle des postulats. Voilà, pour élever ses enfants, il faut absolument rentrer dans telle case, telle case, telle case, telle case. C'est vrai que là, on va parler après une petite pause musicale qui nous fera reprendre ce sujet sur un autre ton et sur d'autres questionnements. Dans un jardin où rien ne nous manque, de l'eau, du feu, du vin autant qu'on en demande. Nos feuilles font ce que nous mangeons, et les gens seuls sont ce que nous laissons. De nos idées, la seule qui compte est de pousser plus vite que notre ombre. Et je le sais, tu le sais, on ne sait que céder, mais on laisse à l'après ce que l'on n'a pas fait. Quand je serai père, mes chers enfants, ne me demandez pas où est passé l'automne, et puis l'hiver et le printemps. Épargnez-moi. Quand je serai père, mes chers enfants, je ne dirai pas que j'en ai fait des tonnes. Le temps d'hier fait le suivant. Épargnez-moi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il nous est arrivé que quelques arbres menacent de changer le jardin et d'en effacer les traces. Mais changer n'en chante jamais, qui comme gelé ne peut pas bouger. De nos idées, la seule qui vaille, de ne jamais passer pour un valet. Et j'oublie, tu l'oublies, que rien ne vaut la vie. Et la vie vaut par ceux qu'on laisse à l'avenir. Quand je serai père, mes chers enfants, ne me demandez pas où est passé l'automne. Et puis l'hiver et le printemps, épargnez-moi. Quand je serai père, mes chers enfants, je ne dirai pas que j'en ai fait des tonnes. Le temps d'hier fait le suivant. Épargnez-moi. Oh, oh. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu l'espoir. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais vu l'espoir. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais vu l'espoir. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais vu l'espoir. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais vu l'espoir. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais vu l'espoir. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais eu le salut. Quand je serai père, mes chers enfants, ne me demandez pas où est passé l'automne. Puis l'hiver et le printemps, épargnez-moi. Quand je serai père, mes chers enfants, je ne dirai pas que j'en ai fait des tonnes. Le temps d'hier fait le suivant. Épargnez-moi. Oh. Épargnez-moi. Nous revoilà en direct avec ce sujet, le burn-out parental ou l'épuisement des parents. C'est un sujet qui est crucial et qui, à mon sens, a besoin d'être développé pour comprendre. Parce que d'après les interviews que j'ai faites en dehors de l'émission, j'ai appris quand même des choses qui ressemblent à un boomerang qui fait que les enfants, avec le temps, vont subir des conséquences qui ne seront pas banales du tout. Là, j'ai eu une interview avec une assistante maternelle, alors qui me parle, on développera les sujets dans d'autres émissions, mais on va seulement les survoler, d'un manque de bon sens avec les parents. Par exemple, un exemple banal, le lit à barreaux, la nouvelle tendance. Alors on dit, il risque de se sentir en prison. Donc, il faut les enlever le plus tôt possible, à 2 ans. Résultat, l'enfant se lève toutes les nuits et les parents revivent le début du bébé qui les réveillait 4-5 fois par nuit parce que l'enfant vient dans le lit. Elle me racontait même un enfant qui, les parents lui avaient dit « va te recoucher » et puis ils étaient tellement crevés qu'ils ne sont pas allés avec l'enfant jusque-là et l'enfant, ils l'ont retrouvé couché dans le couloir le lendemain matin. Alors, je ne sais pas, il y avait des tendances. Je pense, Lia, tu as eu des tendances aussi d'époque. Alors, effectivement, j'ai eu la tendance du cododo. Ah, voilà. Voilà, le cododo. Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, je salue ceux qui nous regardent en direct. Ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est ce petit lit que l'on accroche au lit des parents. Donc, il y a toujours trois phases de barreaux. Mais la quatrième partie n'existe pas. Il est collé au lit des parents. Et ce qui permet, par exemple, en cas d'allaitement, ou de simplifier, entre guillemets, et que l'enfant ait quand même son petit coin à lui. Bon, je l'ai utilisé pour le quatrième. Ça a duré 13 mois. À un moment donné, il a fallu que je laisse mon enfant dans un lit à barreaux traditionnel parce que juste j'avais besoin de dormir en fait. Et comment est-ce qu'il l'a vécu ? Alors la première nuit, il a beaucoup pleuré et moi j'ai beaucoup culpabilisé. Donc me suis excusée auprès de mon bébé en lui disant « Je suis désolée, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas que je vais te laisser pleurer ». Et ça aussi, c'était une tendance très actuelle et qui est actuelle encore aujourd'hui, c'est ne pas laisser son enfant pleurer. Ah oui. Parce que voilà, on doit être très attentif si votre enfant pleure. C'est qu'il a une raison. Donc, bien entendu, on a fait beaucoup d'avancées sur les besoins des enfants. Peut-être, je ne sais pas, on se rendra compte plus tard, peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, voilà. On a fait de belles avancées, en tout cas. Il a pleuré une nuit et ensuite, ça a été beaucoup mieux. On a ritualisé le coucher, parce que ça aussi, c'est très important. Mais voilà, c'est un déchirement pour le parent et pour l'enfant. Alors, je ne sais pas quel équilibre trouver. Non, et quand on regarde bien avec les années, alors moi, j'ai une expérience qui est beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire que j'étais à l'époque où on disait il faut faire coucher les enfants à plat ventre. Parce que c'est pas bien sur le côté, c'est pas bien sur le dos, il risque d'avoir des morts subites, donc à plat ventre. Bon, mon fils qui a 44 ans m'a dit, tu sais, maman, j'ai beaucoup de problèmes de dos parce que j'ai dormi à plat ventre. Ah bon, d'accord, excuse-moi, voilà, je suis désolée. Et en parlant, pour rebondir sur ce que tu as dit, Lia, ma petite fille qui a 15 ans aujourd'hui, Charlotte, à qui je souhaite bon anniversaire de tout cœur, même si elle ne m'écoute pas parce que je pense qu'elle est à l'école, eh bien, je pense effectivement c'était cette époque où on disait il y a 15 ans il ne faut pas laisser pleurer l'enfant, donc je me souviens qu'elle n'a jamais eu le droit de pleurer, donc il la prenait dans les bras et la berçait jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à épuisement, hein, on va dire ça comme ça parce que c'était épuisant. Donc c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les tendances, et très justement ce que tu as dit, Lia, qu'est-ce que deviendront ces tendances dans 10 ou 15 ans? On ne sait pas. On va parler aussi d'une autre tendance qui est amusante, mais pas très amusante. C'est la tendance de la tour d'observation Montessori. Alors là aussi, on prendra, je pense, une émission entière pour développer la tour d'observation. Donc, quand on m'a dit la tour d'observation, j'ai dit, ah bon, c'est quoi? C'est quoi? Alors, en fait, on va résumer de manière simple, succincte, et puis on va pas vraiment prendre des grands mots. C'est un petit escabeau et l'enfant est toujours à niveau. C'est-à-dire, c'est un petit escabeau sur lequel il monte. Alors, tour d'exploration, Montessori a des côtés avec des tas de choses autour et tout, et il est sécurisé, il peut être là depuis une année et demie, donc il est toujours à hauteur avec les parents quand ils font à manger, quand ils font la vaisselle, quand ils travaillent sur une table, enfin bref, il est tout le temps à la hauteur adulte. Alors là, c'est vrai que l'assistante maternelle me racontait ça, elle me dit... Le problème, c'est que l'enfant est tout le temps avec les parents et que ça ne laisse plus une seconde aux parents pour être seul, et ça ne laisse pas non plus une seconde aux enfants pour jouer seul. Parce que de mon époque, on faisait des choses et les enfants jouaient à côté. Maintenant, les enfants, les parents jouent avec eux. Et ils les ont tout le temps avec eux, ils les promènent tout le temps avec eux. Alors je ne sais pas quoi dire, là je ne sais pas. Je pense qu'en fait c'est une question, il faut faire déjà comme on le sent. Je pense qu'il ne faut pas être tout le temps dans cette recherche de quelle est la tendance actuelle, comment je dois faire au mieux. Je pense qu'en tant que parent, on est capable nous-mêmes de savoir comment on doit faire avec nos enfants, parce que nos enfants sont des êtres uniques, nous sommes des êtres uniques, nous avons chacun nos propres rythmes, etc., etc. Donc déjà, je pense qu'il faut tout simplement s'écouter. À un moment donné, si on a envie de passer énormément de temps avec son enfant, et si c'est OK, eh ben tant mieux. Si à certains moments, on a besoin d'avoir des temps seuls, ce qui est, je pense, quand même primordial, eh ben c'est OK aussi. Mmh. Il faut juste déculpabiliser. Et puis, en fait, tout est une question de communication. Aujourd'hui, on nous apprend beaucoup à communiquer avec les enfants aussi, dès le plus jeune âge, à leur expliquer. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Et voilà, tout simplement, s'écouter. Mais je pense que c'est des sujets qu'on développera ultérieurement et auxquels on consacrera carrément une émission. Parce que j'ai vraiment eu un retour qui m'a vraiment laissé très sceptique, surtout par rapport à l'espace que conservent les parents dans la vie parentale. Et ça, ce sera un moment. En attendant, on va écouter Moira Mikolajewska. C'est pas évident, mais voilà, qui nous raconte un peu des choses très intéressantes sur le burn-out parental. C'est vraiment important. Le parent en burn-out est quelqu'un qui vous arrive dans un état psychologique délabré, avec une estime de soi extrêmement faible. On est dans une société qui met vraiment l'accent sur le côté positif d'être parent, qui met beaucoup de pression. Et donc, quand vous avez l'impression que vous n'y arrivez plus, que vous n'en pouvez plus de vos enfants, c'est très dur. Vous vous sentez littéralement, et je m'excuse de dire ce mot, mais c'est comme ça qu'ils le disent, les parents, on se sent une merde. Et donc... tout le regard, en fait, que le psy va pouvoir poser, ce regard inconditionnellement bienveillant, même si le parent, il a posé des actes De maltraitance ou de violence. Qui peuvent être. Ça va être extrêmement important. Cet accueil, cette chaleur, ce cadre-là. Et dans ce cadre chaleureux, bienveillant, contenant, ensuite, dans un deuxième temps, et donc c'est vraiment important que le parent là, il puisse se déposer en fait tout ce qu'il a retenu, parce que c'est indicible. Et toute sa souffrance. Exactement, voilà, toute sa souffrance, tout ce qu'il regrette, tout ce qu'il estime avoir mal fait, etc. Et puis seulement dans un deuxième temps, alors ça va être important de pouvoir comprendre qu'est-ce qui a amené ce parent-là dans cet état-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire littéralement la balance des risques et des ressources, puisque on tombe en burn-out quand, à un moment donné, il y a trop de facteurs qui augmentent le stress et plus assez de ressources. Mais ces facteurs peuvent être très différents d'un parent à l'autre. Il y en a pour qui il va avoir beaucoup de facteurs personnels, ils se mettent une pression pas possible avec des standards dingues, ils veulent tout cuisiner bio, enfin. Et puis d'autres où il va avoir beaucoup plus de facteurs liés à l'enfant avec, et donc on va aller voir ce qui est dans la balance, à la fois du côté des stresseurs pour le parent et à la fois du côté des ressources, celles qui sont présentes et puis celles qui sont manquantes. Et une fois qu'on a fait cette balance dans laquelle il peut avoir une quarantaine de facteurs auxquels le parent ne pense pas, parce que le parent, quand il arrive chez vous, il va vous donner généralement un ou deux facteurs explicatifs. Je suis en burn-out parce que mon fils est difficile. Ou je suis en burn-out parce que mon épouse travaille comme une dingue, elle ne m'aide pas. Donc, généralement, les gens viennent avec un ou deux facteurs comme ça, mais en réalité, quand on fait la balance, on voit plein de choses. Et une fois qu'on a cet état des lieux complet, là, on va commencer à regarder, OK, qu'est-ce qu'on peut bouger ? Parce que parfois, le plus gros facteur contributif, on ne sait parfois rien y faire. Oui, votre conjoint ne vous aide pas, mais par exemple, il a accepté un job qui, pendant 2 ans, on va le mettre... Donc là, on ne sait pas le revoir pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres plus petits facteurs, mais qui sont plus facilement malléables, ou qu'on peut sortir de la balance plus facilement ? Ou est-ce qu'il y a des ressources... auxquels on ne pense pas, qui pourraient être ajoutés, parce que parfois on ne sait rien changer du côté des stresseurs, et alors on va ajouter du côté des ressources. Et donc ça, c'est vraiment ce travail qu'on fait dans un deuxième temps, qui a l'air d'être TCC, mais parfois, ce travail, il peut être d'inspiration psychanalytique, quand par exemple on voit qu'un gros facteur qui pèse lourd, c'est le perfectionnisme parental, qui trouve racine dans une histoire très compliquée, et alors il va falloir aller creuser. Donc le traitement du burn-out parental n'appartient pas à un modèle unique, ça je pense que c'est important de le dire. D'accord. Voilà, en direct sur Radio Gémozo, vous pouvez intervenir au 03 29 62 40 40. Merci Lia. Voilà. Ou sur la page Facebook de Radio Gémozo, ou sur la page Facebook de Ralentir pour Vivre à Beau, ou sur le site ralentirpourvivre.org, contact. Là, on se rend compte, c'est là que je disais que cette première émission s'est vraiment survolée. Qu'est-ce que c'est que ce burn-out parental ? Qu'est-ce que c'est cet épuisement ? Après, on rentrera dans les causes, dans les conséquences. Pour l'instant, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'elle dit, c'est quand même essentiellement un besoin de perfection. Et là, on revient avec le burn-out en général. Nous sommes dans une société où être parfait est la norme. Avec raison ou sans raison, je ne sais pas, personnellement, je n'adhère pas à cette vision. Même pour ma part, je cultive l'imperfection. D'ailleurs, vous voyez, même dans l'émission, je suis dans mon imperfection totale du non-professionnel. Mais enfin, je pense que le burn-out parental est avant tout quelque chose qui est quand même dû à une pression de société. Maintenant, par rapport, alors justement, à ce qu'on approfondira après, la tour d'observation était une chose, et les enfants donc avec lesquels on joue tout le temps et qui ne jouent plus tout seuls. Enfin, moi, les miens jouaient tout le temps tout seuls parce que je travaillais beaucoup, et je jouais le dimanche avec eux, des jeux de société et autres. Et je sais pas, dans d'autres contextes, comment ça se passe. Alors moi, je ne jouais pas trop avec mes enfants, tout simplement parce que j'étais pas à l'aise là-dedans, en fait, tout simplement. C'était pas quelque chose qui me donnait spécialement envie, parce que j'étais occupée déjà beaucoup par d'autres choses. En plus, ils étaient 4, donc du coup, ils avaient plus de possibilités de jouer les uns avec les autres. Maintenant, ça va mieux parce que j'arrive à prendre du temps, voilà, avec mes enfants s'ils ont envie d'être avec moi. Mais je suis plutôt partisane de ce propos qui est c'est bien aussi que son enfant ait son propre espace pour se découvrir lui-même, pour cultiver son imagination, parce que voilà, on est en train, moi c'est ce que je pense en tout cas, de surstimuler les enfants alors qu'on sait qu'il est très important pour un enfant de s'ennuyer. Oui, ça j'allais l'amener cet argument. On dit qu'un enfant développe sa créativité parce qu'il s'ennuie. Et s'il ne s'ennuie pas, il n'est plus dans la créativité. Tout simplement. Mon fils, par exemple, quand il voulait jouer à un jeu de société et que c'était pas possible avec moi, au lieu de pas être content, bon après c'est avec des questions de caractère, en fait, il jouait au jeu de société tout seul en étant deux. Voilà. Ça aussi amène quelque part, la découverte de comment faire face aux situations frustrantes, parce que ça aussi c'est très important de le soulever. On a quand même dit il y a quelque temps que la frustration chez l'enfant c'était important, parce qu'il devait aussi apprendre à gérer cette frustration, parce que oui, si vous avez envie de toujours bien faire avec vos enfants, c'est super, ça part d'une bonne intention, mais comment ça va se passer pour lui le jour où il va se retrouver face, dans une société, surtout comme la nôtre aujourd'hui, quelqu'un qui ne va pas lui faciliter les choses. C'est ça, la frustration, on dit que c'est meilleur de la vivre au sein d'une famille aimante que de la vivre dans une société où il n'y aura pas automatiquement le même contact. Donc la frustration est importante, et aussi le phénomène de se dire que l'enfant, à un moment donné, s'il veut être autonome, apprendre l'autonomie, il faut aussi qu'il, justement, l'assistante maternelle me racontait qu'il y a des parents qui, en fait, se mettent à quatre pattes, jouent au Lego et font les tours, et l'enfant se décourage. Or que moi, j'ai vu mes enfants jouer au Lego, ils montaient des trucs des fois de ouf. En tant que bon parent, j'arrivais puis je faisais « Waouh, génial !» Bon, je voyais que ça ne demandait qu'un mini coup de vent pour tomber. Seulement, ils avaient créé quelque chose, ils étaient contents, ils avaient fait quelque chose de fabuleux et tout. Donc, il y avait quand même un côté qui était extrêmement important, qui était de créativité et en même temps qui était d'autonomie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, tout seuls, ils peuvent faire quelque chose. Bien sûr. Et puis, en plus, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas faire de généralité. Ce n'est pas parce que tout le monde montre une facette de l'éducation qu'on est obligé d'y adhérer. En fait, nous sommes tous des êtres uniques, vos enfants aussi. Donc oui, c'est bien de se donner les moyens de faire le mieux possible, mais il n'y a aucune généralité, encore moins dans le cadre de l'éducation. Oui, puis là, je rebondirais, Lia, sur ce que tu disais, un espace, il faut laisser un espace à l'enfant. Et c'est là où on rentre dans l'épuisement parental et dans le burn-out parental. Il faut laisser aussi un espace aux parents. Et apparemment, c'est cet espace qui se restreint de plus en plus à un point qui s'asphyxie totalement. Donc c'est effectivement, avec raison, c'est quelque chose de ennuyeux. C'est dans une cave que ça se passe, au fond d'une impasse, dans une ville inconnue. Le ventilo qui tourne la nuit a mis sa plus belle tenue. Le micro transpire, des fous qui respirent l'air humide. Notre musique sue, notre musique sonne. Un son qui sointe et ne demande de compte à personne. Si ce n'est qu'il faut que les cœurs résonnent, que les bonnes vibrations fassent partie de l'aventure. Sinon à quoi ça sert mon trou perdure? Trop de bons moments, tant de compliments, mais jamais assez pour dire tout ça c'était avant. Non, tout se fait maintenant, et c'est comme ça que l'espoir devient un guide pour la vie. Comme une fille dont tu crèves d'envie, comme un fou rire avec ton meilleur ami, une aventure infinie. La musique, mon dieu, ma bouffe, mon toit, S-E-N-S-U-N-I-K. J'en ai des tas comme ça. Je te sais que tu aimes, c'est que c'est pas pour toi. Pas problème, j'en ai des tas comme ça. Oh yeah, vraiment, ladies and gentlemen, c'est Billy le phénomène. Aimez-moi comme J-Lo, même tu crois que la reine au reine. Moi, film des 60s sur ses trompettes à la case solo. Et les filles me disent Billy Bye que ça paye en solo. Oh non, non, non, non, non, je claque tout dans les lolos. Tu sais que c'est cher de leur les danseuses à gogo. J'harcèle mon label pour qu'ils me filent le fric de ma promo. Je leur dis c'est ça ou j'entame une carrière dans le porno. On dit que je suis obscène, vas-y chérie, observe. Obsédé au port, pour moi c'est le même terme. Et maintenant Just m'appelle, pareil, faut que je travaille sur le remix de Si tu aimes, alors faut que j'y aille. Sex est fait exprès, crée extrême, igaïstique, illaïstique, imine texte. Effet sexe et consommation, c'est consomme ma seule formation. Pas sur les ondes, si je spille, c'est mon story, partenir. Lâchez les mics pour les marqueurs, apprenez le plan de l'entrepôt par cœur et cartonné. C'est pas sorcier, je bosse comme un forcené. Tant que la forcier, un cheveu, tu buses nos coursenés. Ou game rock et joints, un pour paix, faut près de pour Ox et Jones. On s'est développé avant l'époque des clones. Bouge d'une masse, mais t'en pêche pour Stravis, man. Tu aimes ce corps sur fait tout froid. Si tu aimes, c'est que c'est fait pour toi. Pas de problème, j'en ai des tas comme ça. Bouge-toi. Si tu aimes, c'est que c'est fait pour toi. Pas de problème, j'en ai des tas. Nous revoilà en direct sur Radio Gemozo. Alors, ce burn-out parental, il y a effectivement des conséquences qui sont malencontreuses. Et je lisais justement sur un rapport que le fait d'être sans arrêt un accompagnateur des enfants et les rendre moins autonomes, ça donnait des adolescents anxieux, inhibés, est vraiment très mal à l'aise par rapport à la société. Ça, c'est une des premières études qui est arrivée disant qu'il y avait un problème. Parce qu'il y a aussi, alors là, je pense que l'IA, ça va te faire rire. Moi, ça m'a fait rire. Alors, au début, l'assistante maternelle me raconte qu'il y a les parents hélicoptères. Ah. Et moi, je l'écoute et je lui dis, mais c'est quoi les parents hélicoptères? C'est quoi ce nouveau terme? Alors, parent hélicoptère, c'est l'enfant, le parent qui plane tout le temps au-dessus de l'enfant et qui le manage, en quelque sorte, pour employer un mot presque professionnel, qui le manage complètement du début à la fin de sa journée. Et d'ailleurs, ça se voit. Moi, j'avais été extrêmement choquée il y a une dizaine d'années. J'étais allée chercher mes petites filles à la crèche. Et puis, la dernière avait 18 mois et la plus grande devait avoir 3 ans et des brouettes. Voilà. Et moi, je vais déjà toute contente. Voilà. Juju, ben oui, d'accord, ok. Mignonne, tout ça. Et puis, je vais et je dis, bon, ben, on va mettre les chaussons. Moi, je voyais pas du tout. J'avais la puéricultrice, là, qui était là, qui me dit, ah non, attendez, il faut que je vous fasse le rapport. Je la regarde. Je dis, ah bon, il y a quelque chose qui va pas. Ah non, on le fait tous les jours. Ah bon, d'accord. Allez-y. Je voyais Juliette qui était pressée de rentrer. Mamie, on s'en va, tout ça. Bon. Alors, elle me raconte absolument tout ce qu'a fait la plus petite et l'autre après, tout ce qu'elles ont fait de minute en minute. Alors, elles ont joué à tel jeu, elles ont fait telle chose, elles ont été aux toilettes 2 fois, elles n'ont pas été aux toilettes, elles ont bien mangé, elles n'ont pas bien mangé, elles ont fait la sieste, pas bien la sieste. Et j'avais la plus grande qui n'en avait rien à faire, parce qu'elle a toujours été comme ça, assez, ça la touchait pas vraiment. Et je voyais la plus petite qui était extrêmement... Elle se recroquevillait de plus en plus, d'un air de dire, mais quand est-ce que ça arrête? J'ai pas envie qu'on parle de moi. Enfin, je sentais ça, peut-être que... J'interprétais, hein, c'était ma perception. Mais en tous les cas, j'ai été très gênée. Et après, je rentre et mon fils me dit, mais oui, c'est normal, on dit tout ce que font les enfants. Donc, apparemment, ça s'est étendu à la sphère familiale. Donc, le parent hélicoptère, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Non, tu ne pleures pas maintenant. Pourquoi tu pleures? Ben voilà, on va régler le problème. Non, tu manges. Oui, pourquoi tu ne manges pas demain? On va régler le problème. Enfin bref, il règle tous les problèmes. Connaissais-tu ce terme, parent hélicoptère? Non, je ne connaissais pas ce terme de parent hélicoptère. Après, ça me fait rebondir sur un truc, c'est que les journées sont extrêmement rythmées, que ce soit à la maison, à l'école ou à la crèche. Voilà, il y a toujours un temps pour tout. Il n'y a pas d'improvisation, en fait. C'est ça. Et ça, c'est compliqué, mais on y reviendra peut-être plus tard. Après, ce côté de toujours vouloir être dans la gestion des choses, gérer les conflits au fur et à mesure. Alors oui, ça a du bon, mais encore une fois, ça a un équilibre à trouver. Et bah, à un moment donné, si le gamin, il n'a pas envie de manger ses haricots verts, on va peut-être pas en faire un plat, quoi. Bah, c'est ça, c'est un peu ça. Et effectivement, on en reviendra sur ce sujet ultérieurement. C'est un sujet qui parle tout à fait de ce qu'est la maîtrise et le contrôle. Mais on sait qu'aujourd'hui, dans d'autres sphères que l'on peut développer, qui sont entre guillemets le bien-être, ce que je n'aime pas trop utiliser comme terme, parce que ça veut un petit peu tout et rien dire à la fois, le lâcher prise. Mais on est dans le vif du sujet, hein, à constater que le burn-out parental ne fait que ressembler au burn-out total, oui. C'est-à-dire la maîtrise, le contrôle est vraiment tout le temps des choses qui sont cadrées et rentrent dans des cases et tout. C'est quelque chose de difficile. Là, on va écouter un magazine de la santé qui va nous donner un exemple de ce qui se passe vraiment dans un burn-out parental. Tu vas réussir à mettre dans le plat, Guy ? En cuisine, l'ambiance joyeuse a remplacé les cris et les pleurs. Il y a une dizaine d'années, Stéphanie a fait un burn-out parental. À l'époque, la jeune maman vient d'avoir des jumeaux, alors que sa fille aînée n'a pas encore 2 ans. Le rythme des journées s'accélère et devient rapidement épuisant. Pas trop, ça va faire de la bouillie. Tous les matins, on se lève en se disant « Aujourd'hui, je vais y arriver, je vais pas crier, je vais pas donner de fessée, on va rester zen, on va faire des trucs ensemble, ça va aller, je vais être ferme, ils vont obéir. » Et puis en fait, dès le matin, dans les 10 premières minutes, ça part en live. Voilà. Et du coup, bah, petit à petit, on s'effondre, on puise sur ses réserves. Et puis un jour, mais quel jour, je ne sais pas. En tout cas, il y a un moment, en fait, on ne peut plus. Le cerveau, il se met en mode pause. Donc on n'arrive plus à réfléchir correctement, à enchaîner les phrases, à regarder avec bienveillance ses enfants, à leur parler avec bienveillance. On ne voit plus que ce sont des enfants de 2 ans. On a juste l'impression d'avoir affaire à des mini-tyrans. Vas-y. Soutenue par son mari, Stéphanie trouve alors une écoute et de l'aide auprès de son médecin et de professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, elle arrive à en parler de manière sereine. À 5 kilos en trop. Ce qui est important, c'est que les enfants sachent que les parents peuvent être défaillants. Voilà. Et qu'ils peuvent rester quand même de bons parents. Et que les parents ont une forte capacité de récupération parce qu'ils aiment leurs enfants et qu'ils veulent s'en sortir en famille. Merci les grands. Depuis, Stéphanie a ouvert à Nantes un espace d'accueil pour les parents débordés. En France, de plus en plus de structures voient le jour, comme ici, en région parisienne. Une fois par semaine, ces deux psychologues écoutent et échangent avec des parents épuisés. Bah, j'ai été hospitalisée parce que j'avais plus la force de m'occuper de mes enfants. Mmh. J'en ai 3. Et donc, j'ai été décelée burn-out maternel. J'ai jamais été violente physiquement avec les enfants, mais par contre, verbalement, oui, très souvent. Mmh, d'accord. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que... Enfin, moi, je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, je supportais plus mes enfants. C'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue morale. Et entendre maman toutes les 25 secondes, ça me saoule. Je reconnais. Donc voilà, j'ai encore moins de patience qu'avant. Et du coup... Et comment ça s'est passé cette transition là, hein, que vous décrivez entre ce moment où vous faisiez beaucoup de choses, étiez très présente, et puis ce sentiment comme ça de plus pouvoir y arriver. Ici, pas de jugement. Autour d'un thé, de manière informelle, cette autre maman peut parler sans crainte de ses angoisses et de sa culpabilité vis-à-vis de ses jumeaux. C'est des choses qui peuvent pousser un parent à bout, c'est-à-dire que fatigue plus tout ça peut faire qu'un parent qui aime ses parents, qui aime ses enfants, pardon, au-dessus de tout, peut entrer dans des crises de nerfs mais juste incroyables et oublier qu'en face de lui, il a un enfant de 2 ans. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive quasi quotidiennement. Et 5 minutes après, complètement culpabilisé, et me dire, mais... Et me dire, on ne hurle pas sur des enfants de 2 ans, quoi. Mais c'est justement le côté consultation collective, entre guillemets, ou qui est différente du cliché du psy derrière son bureau et vous sur un fauteuil avec une boîte de mouchoirs. C'est vraiment ce côté-là qui a fait que, malgré toute l'organisation que ça représente, je viens. Et c'est un moment qui me soulage. Cette psychanalyste reçoit de plus en plus de parents en burn-out. Pour la spécialiste, il s'agit d'un problème de société. Les gens sont épuisés déjà par la vie professionnelle, la plupart du temps, mais en plus, toutes les tâches qui reviennent de façon routinière tous les jours. Par ailleurs, l'exigence des enfants, l'impression qu'ils ne sont jamais contents, la difficulté à leur imposer un cadre, et très souvent des dissensions dans le couple également qui viennent alimenter cette problématique. Et puis, il y a un sentiment, un besoin d'être parfait. Et très souvent, ce sont les mères qui sont fragilisées par tout cela. Elles veulent être parfaites pour être aimées par leurs enfants. Alors, prendre du temps avec ses enfants et accepter de ne pas être un parent parfait, c'est l'apprentissage que doivent faire les parents épuisés. En France, le sujet est encore tabou. Mais en Belgique, le gouvernement est conscient du problème et a lancé une campagne de prévention « Parents à bout » pour lutter contre ce phénomène. Voilà, nous revoilà en direct. Et là, on a mieux compris peut-être ce que représente le burn-out parental. Ce besoin de perfection et d'être aimé de ses enfants. Donc, il y a deux points qui sont majeurs. Effectivement, c'est vouloir être aimé de ses enfants et être parfait. C'est difficile. Par contre, ce que j'ai appris aussi de cette assistante maternelle, c'est que de enfant roi dont on parlait en 1980... Je pense que Lia, t'en as entendu parler. Oh oui, au-delà des années 80 d'ailleurs. Ah bon? Oui, oui. Encore il y a quelques années, hein. C'est un terme très, très courant. Hein. L'enfant roi, c'est tout à fait ce qu'on pourrait voir maintenant, l'enfant roi. Maintenant, on parle d'enfant tyran. Elle me donnait l'exemple d'un enfant qui a à peine, même pas 2 ans, qui quand ses parents arrivent, les parents les prennent dans les bras, l'embrassent, et l'enfant, il le donne des grandes claques, mais alors elle dit, mais des claques, vraiment, il tape sur le parent, et le parent continue à dire, mon petit bébé, mon petit chouchou. L'assistante maternelle m'a donné une vision peut-être différente. Elle me dit, ce serait moi, je poserais l'enfant en lui disant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne tapes pas sur maman, moi, je suis contente de te voir. Si tu n'es pas content de me voir, tu le dis, mais tu ne passes pas par la violence. Et non, les parents l'encaissent, le prennent comme ça et le vivent comme ça. Et encore, le pauvre petit, effectivement, je l'ai laissé toute la journée, donc c'est normal qu'il me tape dessus. Donc, de enfant roi, apparemment, nous arrivons dans l'époque enfant tyran. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que en même temps, ça donne un poids sur des petits êtres tout jeunes qui n'ont pas forcément à porter, quoi. Si l'enfant en arrive là, je pense qu'il faut peut-être se poser d'autres questions. Après, il y a plein de problématiques différentes. Mais effectivement, je pense que quand on en arrive là, on ne peut pas aller dans le sens de ce geste. Parce que comment on fait s'il tape après sur le copain, quoi? C'est ça. Avec raison, on peut dire que c'est quelque chose à voir en direct avec des pédopsies, par exemple, pour voir quelle est la réelle problématique. Parce que la problématique, elle n'est pas superficielle. Il y a quelque chose de plus profond que l'enfant développe en montrant ça à ses parents. C'est certainement quelque chose de difficile. Et puis, elle me parlait aussi des repas. Et ça, je l'ai vécu aussi dans ma famille, mes petits-enfants. À 3 ans, ils en sont encore à prendre leur biberon de lait. Parce que c'est plus simple. Et puis au repas, on les met, souvent les parents sont devant le portable ou devant la télévision, et puis on met l'enfant dans une chaise, et puis on lui met 2-3 choses à manger devant pour qu'il mange plus tôt, pour qu'il soit plus tranquille après, enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et l'enfant, en fait, mange un biberon de lait pratiquement 4 fois par jour, et c'est sa nourriture. Il ne fait pas ses nuits non plus, parce qu'évidemment, à minuit, le biberon de lait ne lui a pas rempli l'estomac, donc il a de nouveau besoin d'un autre biberon de lait. Et c'est quelque chose de courant. J'en avais parlé avec cette assistante maternelle, parce que je pensais être devant un cas isolé. Apparemment, c'est quelque chose de courant. Les parents reviennent beaucoup au biberon lait, voilà, pour un peu s'éviter de se bagarrer avec l'enfant s'il ne mange pas de ci ou de ça, d'atténuer. Et en atténuant, il y a des choses qui sont un peu moyennes. Bah là, on va contre un petit peu tout ce qu'on vient de dire au début, où on est beaucoup dans l'attention donnée à l'enfant, voilà, le mettre à la hauteur de l'adulte, parce que je pense que c'est... Mais je pense à un moment donné, quand on n'en peut plus, qu'on en arrive là, peut-être qu'il faut tout simplement demander d'aide. Mmh. Après, si ça arrive de temps en temps, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est sûr. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi face à une génération où il y a beaucoup de simplicité, c'est-à-dire les écrans. Moi, je vois énormément de tout petits, déjà avec le téléphone, la tablette, tout simplement parce que les parents, ils n'en peuvent plus. Ont envie d'un moment de répit. Et c'est cette facilité-là. Aujourd'hui, on sait que cognitivement, c'est très impactant pour le cerveau d'un enfant, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. Je pense que le problème, il est ailleurs et que peut-être le surinvestissement qu'on veut donner tout au long de la journée, à un moment donné, il arrive aussi à épuisement et qu'on en arrive à d'autres dérives. Donc, c'est ça. C'est ça, c'était bien ce que je voulais arriver, comme, on va pas dire conclusion, mais comme point, c'est se rendre compte que le burn-out parental, ce surinvestissement peut contrebalancer quelque chose de pas très drôle, en fait. Nous allons faire une toute petite pause musicale et nous ferons la conclusion après cette pause musicale. De serre, qualité de l'air dégradée, serré dans le métro, serré au cou, je te fais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sur l'amour. Sans à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien, serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sur d'amour. Voilà en direct sur Radio Gémozo pour le burn-out parental ou l'épuisement des parents. Ça fait une heure qu'on en parle et on se rend compte que ce sujet est confus et en même temps énorme et en même temps a plusieurs facettes. Il n'a pas qu'une facette, il y a plusieurs facettes et qu'on devra consacrer d'autres émissions afin de pouvoir mieux comprendre et mieux cerner ce problème, parce que c'est quand même un problème. Ah, ça, c'est sûr. Oui, il y a des médecins qui disent que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, c'est effectivement une tendance. Et ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. C'est donc une tendance comme une mode. On élève ses enfants de telle et telle manière, c'est une tendance. Oui, c'est vrai, hein, y a beaucoup de... Et puis aujourd'hui, on est dans une génération de réseaux où on voit énormément de choses aussi. Et c'est souvent des choses qui n'existent pas, en fait. Ce sont des idéalisations. Les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer. C'est tellement plus joyeux, plus gratifiant de montrer les bons moments qu'on passe. Mais finalement, ce n'est pas la vérité. Ça me fait penser un petit peu aussi à la maternité, au moment où on enfante, où on en a fait carrément un moment idyllique. Et en fait, on se rend compte que non, ce n'est pas tout à fait ça. Ça sera sûrement le sujet d'une autre émission. Quand on vient de sortir un petit être de ses entrailles, on a mal, on est fatigué. C'est ça, puis, oui. Voilà. On a cru mourir, carrément. Voilà, carrément. On s'est dit que ça n'allait jamais passer, c'est clair et net. Et voilà, il y a des femmes qui n'arrivent pas à créer le lien, etc. Ça sera sûrement le sujet d'une autre émission. Mais tout ça, ce n'est qu'une question d'idéalisation. C'est ça. Et il faut sortir de ces idéalisations. Oui. Soyez bienveillants avec vous-même. Sortez de la culpabilité. D'autant plus qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais au premier niveau, c'est l'effet boomerang. Mmh. C'est-à-dire que l'effet boomerang, ça va être des choses beaucoup plus graves qu'on imagine, que ce soit les enfants qui sont sur les tablettes, que ce soit les enfants qui n'ont pas d'autonomie, que ce soit les enfants qui n'ont pas d'équilibre alimentaire parce que les parents lâchent. Justement, cette histoire de burn-out parental, c'est qu'à un moment donné, exactement ce que tu disais, la métaphore est parfaite de la naissance idéalisée au moment où effectivement on se dit qu'on va mourir et que ça ne va pas passer. Eh bien, dans l'éducation, c'est un peu la même chose. Du moment idéal qu'on dit on va faire pour nos enfants, si, ça, ça, et quand on est dans la réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce côté de baisser les bras des parents, c'est relativement grave. Les enfants vont se trouver avec des problématiques que n'ont pas eu les autres, c'est-à-dire aucune autonomie, des problèmes d'insertion dans la société. De gestion émotive, parce que beaucoup trop encadré, beaucoup trop tenu. Alors bon, doit-on s'attendre à des tanguis en grandeur nature, en grandeur maximale possible? Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Enfin, je ne sais pas. Arrivé à 65 ans, je préfère ne pas savoir. Je ne sais pas, Lia, ce que tu en penses. Bah, je pense qu'en fait, il faut pas tomber dans des dérives. Hein. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est l'extrême qui pose toujours un problème. Il faut, rester. Enfin, voilà, c'est tellement compliqué. En plus, il y a toujours un voisin, une cousine, une sœur, une grande tante qui va nous donner un conseil. Je pense que voilà, il faut faire comme on le sent déjà. Si on voit que ça ne va pas bien, eh ben parlez-en autour de vous. Il y a des associations qui existent, notamment le réseau de parentalité de Remiremont et de ses vallées que tu as contacté, que vous pouvez joindre au 06 41 40 98 06. Ils ont un compte Facebook, une adresse mail que vous trouverez très facilement. Voilà, c'est très très. Et il y a aussi l'association Une Note de Bonheur, que vous pouvez aussi joindre à Saint-Amé. Les super mamans aussi, tout ça, ils font tous partie du réseau parentalité de Remiremont, de tous les cas. Donc si vous contactez ce réseau, vous serez forcément dirigé. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide et surtout sortez de la culpabilité, sortez de l'ultra performance que on veut nous faire coller à la peau dans tous les domaines. L'éducation en fait partie. Lâchez prise et voilà. Oui, et on respire. Et tout va bien. J'en profite pour dire que la prochaine émission, ce sera donc le 17 septembre de midi à 13h. Toute personne qui voudrait intervenir ou qui a quelque chose à dire, que ce soit indirectement, anonymement, un parent, un grand-parent, quelqu'un qui en est sorti, quelqu'un qui voit une amie ou... En parler va rendre quand même dédramatisé. C'est pas si dramatique. C'est important de s'occuper des enfants. C'est essentiel. On est d'accord. Maintenant, c'est également important de s'occuper de soi quand on est parent. La bienveillance avec soi avant d'en avoir pour les enfants. Il faut déjà commencer par soi. Oui, et puis on a le droit de faire des erreurs. C'est ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et c'est vrai que la parole, parfois, Ça peut, on a entendu hein, dans les extraits que tu as passés, ouais. Voilà, ça peut faire du bien. Moi, j'ai eu la grande chance d'être orientée très rapidement vers des groupes où il y avait des professionnels et d'autres parents aussi pour sortir du huis clos de la maison, parce que ça, c'est aussi un autre problème. C'est mais ça. Bon, voilà. Un pas après l'autre, un jour à la fois. La prochaine fois, l'émission, on approfondira un autre sujet. C'est un sujet multiple dans lequel on peut se mettre parce que c'est important. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Et à bientôt, dans 15 jours. À bientôt.